L'homme aussi en gêne, en gêne, quand je suis athée, seul m'a athée. Même Marie est fine, des canets, et puis aussi des perdants. Dieu, ça qu'a fait, truc boy. Dis-moi, Fouchi, pourquoi j'aime? Ressemblance, c'est qu'on voit Colombe, qu'on voit des graisses, qu'on a